merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, à vous écouter les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 5 au 11 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. C'est le JPI. Salut Mathieu. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ben oui. On n'a pas animé ensemble depuis la fin décembre, mais avant ça, parce que ça, c'était pas les Palmarès C'est fou, c'était des éditions spéciales, ça n'a pas rapport. Ben oui, c'est ça, c'était le top de l'année, hein, c'était fou. Mais ça, c'était malade. C'était fou, c'était débile. Le titre, c'était juste c'était fou. C'était pas c'était fou, c'était débile. Non, c'est ça. Ça a été long comme ça. Ça, c'est le sous-titre. C'est ça, exactement. C'était le titre de l'épisode. Alors, c'est donc pas parlé dans les Palmarès C'est fou réguliers depuis le 4 décembre dernier. Incroyable, un mois. Un mois a eu le temps de s'écouler presque jour pour jour. Presque, à quelques jours près, c'est ça, si on veut. Donc, on va aujourd'hui savoir si nos numéros 1 sont toujours datant du début du mois de décembre. Ben oui, ben oui. En anglophone, The Seasons avec The Way It Goes. Et puis, si on retourne en arrière, Kepler avec Scaphandre, qui était numéro 1 quand on s'est quitté, Mathieu. Ben voilà, et parlant de retourner en arrière, on va aussi entendre les pièces qui nous ont quittés depuis ce temps-là dans Palm Rest in Peace. Oui, puisqu'il y en a quelques-unes. Il y en a pas mal, même. Je te dirais 5 en francophone. OK, et 2 en anglophone. Oui, ça fait 7. Un total, un sous-total de 7. Un total avec la barre en dessous. C'est ça. On va aussi faire un instant classique. Et là, ça fait vraiment longtemps parce qu'on a 3 semaines d'accumulé de meilleurs moments. Fait que ça va être vraiment des meilleurs moments. Oui, 2 gros blocs. Donc, un pour la semaine du 1er et du 8 décembre. Uh-huh. Et un autre pour la semaine du 15 décembre. Parfait. 2 blocs et l'instant classique dans l'émission d'aujourd'hui. Superbe. Ce qui veut dire qu'on fera pas de C'était fou. Oh. Ça va aller la semaine prochaine. Bon, ben tant pis. C'est comme ça. De toute façon, hein, C'était fou, on l'a fait en masse. Hein? Ben voilà, ça bon. Va faire. Hein? Ben oui. La chronique, c'est un petit peu de cure, hein? Les résolutions. C'est quoi ta résolution de 2015? Ça? C'était fou moins souvent. Non, c'était fou moins souvent. Ça va être facile à régler parce que c'est pas toi qui s'occupe de C'était ben fou. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est moi qui vais m'arranger avec ça, on verra. Résolution tenue! Bravo! On va commencer avec un bloc de nouvelles entrées. Plus tard, en 20e anglophone, il y aura un retour pour Elephant Stone avec Knock You From Your Mountain. Hey, mais on va commencer en francophone avec un retour des gars de Mashup avec le King du Nintendo. Ah, Colin! Au bas, gauche-droite, Start, Select... Oui, triangle, XX. On n'était pas sur les mêmes consoles, toi, bébé. Ouais. Non, c'est ça. Bébé. Ah, bébé, toi. Fallait toujours en savoir plus, je savais pas où je m'en allais, mais je suivais ceux qui le savaient. Je me suis perdu dans les dédales de l'administration. Je pensais bien que j'étais un homme, mais j'étais encore un garçon. Mais je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais rempli d'espoir. L'esprit que tout avait de l'alphon, que j'étais parti pour la gloire. J'étais parti pour la gloire. J'étais le king au Nintendo. On drippait ses Ninja Turtles. Le gros du Wii, puis c'était Rambo. Avec sa collection de couteaux. En haut, en haut, en bas, en bas. À gauche, à droite. OPO, c'est l'exact. Du million d'y à contre. Un million d'y à contre. Calotte, qui me traitait de fif, il me smashait en face, le ballon rotatif. Mais aujourd'hui, ils ont tous des petits. Dirais que juste moi qui en fais pas. J'suis toujours pas au stream que j'vends. Mais j'aimerais bien savoir le Gaspésie. Oh ben, j'ai reçu par la poste un Tamagotchi. Est-ce que quelqu'un qui pourrait m'aider, s'il vous plaît? Oh, j'étais le king au Nintendo. On drippait ses Ninja Turtles. Le gros du baby, c'était Rambo. Avec sa collection couteau. À gauche, à droite, OPO, c'est l'exact. Un million de vies à contre. Un million de vies à contre. Oh.

entrée. A look so quick, a movement so slight, you could almost imagine it didn't just happen. But everything will change in just one look, one little glance. It's not passing fascination now, it's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. Go et Obsession en pot sur le numéro 19, nouvelle entrée sur l'album Hungry Ghost. C'est le deuxième extrait après Bright as Your Eyes. Et pour la petite anecdote, là, j'avais hésité entre les deux à suggérer à la directeur musical entre Bright as Your Eyes et Obsession. J'avais choisi Bright as Your Eyes, puis là, ben, celle-là, quand même, je la trouve quasiment meilleure, juste égale. Ben, finalement, les choses font bien les choses, hein? Ben oui, comme l'expression populaire le dit, ben oui. Les choses font bien les choses. Ben oui. Et côté francophone, la nouvelle entrée également, c'était Les Passagers avec Le Ciel est noir, c'est tiré de l'album Le Ciel est noir. Mais ça! 19e position francophone. Avant ça, en 20e anglo, c'était Elephant Stone, deuxième extrait de l'album The Three Poisons, c'était Knock You From a Mountain. Alors, premier extrait était Motherless Child Loves Not For War. Et deuxième extrait également pour les gars de Mashup qui se retrouvaient en 20e position avec le King du Nintendo. Et puis leur premier extrait qui était dans le palmarès assez longtemps quand même. Elle truck de la shop. Elle truck de la shop avec le truck qui a de la misère à démarrer au début. Oui, vroom vroom. Nous autres, c'est les gagnants là, des mardis de la relève. Oui, du Grand Brinus. 2014, dans le temps, tu sais. Oui, l'année passe. Ça fait tellement longtemps. Maintenant, on va continuer avec seulement des francophones parce qu'on reste dans les nouvelles entrées, dans la portion New Shit, la première heure des palmarès c'est fou. Plus tard, il y aura le retour de Guillaume Beauregard, une nouvelle entrée d'un groupe que je connais pas encore, Huit Clos. Mais on va commencer en 18e place. Oui, avec Garoche Tassacoche, un deuxième extrait, je pense, également pour eux. Moi, je pense que c'est leur premier, je pense. Okay. Écoute, on va vérifier ça, on va mettre des recherches là-dessus. Avec Garoche Tassacoche, avec l'extrait pour Léa. Hey, Garoche-moi ça, le rechercher s'il est sa coche. Ça accroche, ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais, non. Ouais. On va calmer ça un peu, là. Calmons-nous. J'acquiesce, mais je n'approuve point. Ouh. Moi, mon nom. Ça veut rien c'est dire. Cynthia. Non. Mais on m'appelle. Les choses font bien les choses. Oh, maudit. Moi, mon nom, c'est Sonia. Mais on m'appelle Sonia. Oh. c'est ça. J'ai rêvé de m'appeler Rosalie Poulain Trépanier. Entrée. Tout le monde a des superbes histoires. Tout le monde vit le pied au plancher. Tout le monde sans rien, sans remords. Oh, tout le monde vit bien avec sa mort. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Tout le monde a des super projets. Ferme son budget. Tout le monde rit à son travail. Oh, tout le monde vit un moment génial. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour. Je vais vivre le pied au plancher. Tout le monde a de grandes ambitions. Tout le monde veut construire sa maison. Finir sa petite vie sur une terre éloignée. Oh, tout le monde a le droit de rêver. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour. Je vais vivre le pied au plancher.

Ça se retrouve sur le blog assemblagerequis.com. Hey, tout est là-dessus, toi. Ben oui. www.assemblagerequis.com. Allez-y tout de suite. http://. www.assemblagerequis.com/index.php. Voilà. Oui. Ça ressemble à ça. Ben oui. Et on fait Palmer's in Peace à la fin des nouvelles entrées chaque semaine dans les Palmer's C'est Fou. Voilà. Voilà. Maintenant, on revient du côté anglophone parce qu'on avait sauté par-dessus quelques pièces étant donné qu'elles n'étaient pas nouvelles. Donc, on va entendre un bloc composé des 16, 17 et 18e places, mais dans l'ordre inversé. Donc, plus tard, à la fin, il y aura Hey Rosetta ainsi que Until the Ribbon Breaks. Mm-hmm. Mais avant ça. Mais on va commencer par celle que j'ai toujours de la misère à dire. Ben, oui, and you will know us by the trail of dead. Oui. Oui, merci. C'est l'année 2015 est remplie de surprises. Et tu te sous-estimes. A million random digits. Tu l'as eu ça aussi du premier coup. Et voilà. T'es rendu un petit surdoué. Toutes les vacances, j'ai pratiqué mon anglais pour me dire cette fois-ci, je ne me ferai plus avoir par les palmarès. À la place de remercier Jésus de s'être sacrifié de je sais pas quoi pour la dingue, là, à la place de faire un je vous salue Marie, tu disais les palmarès en famille autour de la table. Oui. Tu disais And you win the weather, the trail of the dead, until the ribbon breaks, it rolls the tar, it's a furry fall. Merci, JC Lawson, de nous avoir envoyé de la dingue. Voilà. And you will know us by the trail of dead au palmarès, c'est fou. Ah là là. Cette comparaison, cette analogie. Cette analogie, elle allait nulle part. Non. Mais c'est des palmarès, c'est fou. Ça résume l'émission. What a heartbreak, what a sadness. C'était Hey Rosetta avec Kintsu Kuroi. Non, en fait, ce n'était pas, c'était Until the Ribbon Breaks. Hey, c'est ma faute. Il reste une toune. Ça paraît pas, hein? C'est parfait, ça. Ouais. C'est parfait, ça. On a interagi. Vraiment. Hey, on est près du public. Comme dans notre salon, on jase. Ah oui. Retournons à la discussion maintenant. D'accord. Okay. Fait qu'on disait que... On parlait des groupes Facebook. C'est vrai, groupe Facebook. On your shoulders. Bring that summer wet. I first saw you at first kiss coming. Let's just freeze the frame. Your blue eyes closing, 'cause mine were open. Yeah. Hey Rosetta et Kintsukurai, position numéro 16. Ça monte de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée du côté anglophone. Ah, toujours côté anglophone, 20e. Non, excuse-moi, 17e place. C'était en 20e. Until the Ribbon Breaks, A Taste of Silver. Et on a débuté en 18e place. Ça descend de 3 avec A Million Random Digits par And You Will Know Us by the Trail Dead sur leur album Nine. Maintenant, on saute par-dessus les positions 15 et 14. Des deux côtés, en anglophone, en 15e, on aura entendu TV Light de Return for Refund et en 14e, Electric Youth avec Runaway. Côté francophone, en 15e place, stable par rapport au mois de décembre, c'est Deux Pouilles en Cavale avec Waymela. Et en 14e position, qui descend d'une place, c'était Chocolat avec Burnout. Mais là, c'est bien beau sauter par-dessus des affaires, mais qu'est-ce qu'on va entendre? C'est les positions numéro 13! Oui, côté francophone, Mathieu, on va écouter les Deluxe avec Les Mauvais Garçons. Ça passe de la 20e à la 13e place francophone. Et juste après ça, en anglophone, ce sera Melly Grove Band et Don't Wanna Say Goodbye. On écoute ça tout de suite au palmarès, c'est fou! Quel FM. C'était Mary Grove Band et Don't Wanna Say Goodbye qui montent d'une place en 13e position anglophone. Et du même côté francophone, c'était les Deluxe avec les Mauvais Garçons. Ben oui. Il reste seulement assez de temps pour les positions numéro 12 qu'on va l'entendre. Plus tard en anglophone, on entendra The Last International avec Killing Fields qui monte de 4 places. Et qui descend d'une place, c'est Sago avec Mot de Mars. Ah oui, allez hop, comment on dirait ça? Go, hein? Ça... Ou je vais aller sur mon cheval faire du Sago. Comme du galop, sabot, moi. C'est le même nombre de syllabes, ça rime, j'imagine, moi, que ça. Ouais. Sinon, ton. Ouais, c'est, t'aurais dû dire que ton cheval portait des sabots. Comme ça, ouais. Ça sonne plus proche de ça. Ou j'aurais pu dire que pendant le temps des fêtes, j'ai fait une tournée des bars, là, j'étais sago. Sago! Et boy, hein? J'ai récolté 200$. Ah oui? J'étais sur Go. Ok, sago de 200$. Oui, c'est comme un Monopoly, ouais. C'est bon, ça. Je pense que c'est ma préférée, celle-là. Ah ouais? Garde cette blague-là. Ok, c'est une bye. C'est pas massif. Speak to power. Kids par The Last International. Pour son numéro 12, ça monte de 4 places en anglo. Et qui baisse d'une place en franco, c'était Sago avec Mont de Mars. Et voilà, c'est la fin de la portion New Shit des Palmarès et Fous. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième heure, la portion top 10. Aussi simple que ça. Puis là-dedans, il va y avoir, je sais pas si on va les mettre les deux dans la deuxième heure, là, mais double dose de l'instant classique, ça s'en vient. Double shot. Double shot, les meilleurs moments du mois de décembre au grand complet. Un double expresso de assemblage requis. C'est délicieux, sauf que ça laisse une petite trace dans le fond de la tasse. Restez là. D'exploration. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 96.9. C'est fou. C'est la deuxième heure des Palmarès Fou pour la semaine du 5 au 11 janvier 2015. Les Jean-Philippe Charbonneau. Et les Mathieu Plante. Et c'est la portion top 10 de l'émission où on va évidemment écouter les pièces 10 à 6 de chaque bar. Mm-hmm. Hein? Mais en plus, on a les meilleurs moments d'assemblage requis. Oui. Ça va être bon. Ça va être très bon. On n'a pas de C'était Fou cette semaine. Parce qu'on laisse place à un programme double d'assemblage requis. Mais ça, une deuxième chronique au complet de la même longueur qu'à la première, à peu près. D'habitude, on fait des chroniques de 7 minutes environ, donc 2 fois 7 minutes. Incroyable. Ça va être malade en début et en fin de deuxième heure. Je pense que ce serait ce qui est le plus logique. On verra. Donc, on va commencer avec les 10e places. Du côté anglophone, c'est stable. C'est D-Mannequin avec Sucker Punch sur leur album Neon Zero. Et côté francophone, ça baisse de 5 places. C'est Noem avec À courir. Let's run. Ou j'aurais pu dire aussi, ça divisé par 2. Parce que c'était 5e. Non, x2. Hey, je suis à l'inverse. Si tu veux faire des maths, fais des maths comme faux, là. Tu t'adresses quand même à un gars qui s'appelle Matt. Ah, c'est vrai. Puis qui aille vraiment les maths, en plus. Ça va. Désolé. Voilà. Je suis le même. J'en veux pas aux gens de Matin Info de nous écouter quand même. Voilà. Appelez-nous pas pour nous dire des affaires de maths, par exemple. Non. 1-1-0-0-0-0-1. Du binaire. Oh, tu veux dire merci. Ça te permet de rester fou sur les 89 FM. Plus clair, il faudrait voir plus noir. Il faudrait voir la terre, il faudrait voir la mer. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout du monde. Sucker Punch de D-Manico est une position numéro 10 stable, 7e semaine de présence sur leur album Neon Zero. Et qui descend de 5, Noem avec À courir. Et voilà, voilà, voilà. Courir, hein? Divisé par deux, là. Divisé par deux. Je m'en rappelle. Ah oui, les maths, ça. Rappelle-moi pas ça, là. Rappelle-moi pas ça. Non, courir qui est un moyen de transport. Oui. D'autres moyens de transport, mettons que t'avais à m'en nommer quelques-uns. L'autobus. Ouais, non. L'auto. Non. L'avion. Oui. Je me demandais où t'allais. Ça t'amène pas à dire quelque chose. Des fois, je sais pas, je devrais dire un nom, mais je pense que ce serait divertissant puis ça dérangerait personne si tu racontais une anecdote d'avion. Ben non, non, non, tout à fait. Ben en fait, je regardais les titres des non, prochaines ça, pièces. Rien comme d'habitude, ça a un lien avec ça. J'étais là, non. Ça a toujours un lien vers quelque chose, mais tu sais jamais à quoi. C'est ça. Puis là, j'ai pas allumé. J'ai plané avant. Oh. De comprendre. Attends que je te prenne sous mon aile. Non, c'est bon. Bon, ben, attends, je vais donner un peu de poussé. Un jet. Ouais. Mais bref, pour revenir à l'histoire initiale, ce que je te contais hors d'onde, c'est tout simplement que je suis revenu, j'ai pris l'avion cet hiver. Ouais. Et puis, parce que, en fait, ouais, recommence, rewind. En contexte, OK. Ouais. Oh, c'était bon, hein? Sur Facebook. À courir avec Noem. Ben, en effet. Et oui, moyen de transport. Moyen de transport à courir, c'est les pieds. Oui. Un autre moyen de transport, c'est quoi? Les autos, mettons les. Oui, mais il y a aussi l'avion. L'avion. Mathieu. Bon point. Puisque tout à l'heure, bonne celle-là, c'est une statuette. J'étais sur mon Facebook et j'aime une page qui s'appelle. Je pense qu'en fait, on aime une page qui s'appelle La même photo de Marcel Lebeuf chaque jour. c'est génial. Mais moi, ça me fait vraiment rire. Il y en a quelques-unes mais qui ont le même type, mais celle-là me fait particulièrement rire. Je sais pas pourquoi. Parce que tout est dans la photo choisie. Oui, je pense que c'est ça. Et la photo de Marcel, c'est la meilleure photo qui a été prise d'un artiste québécois de l'histoire. Oui, potentiellement. Donc, vous irez voir ça, la même photo de Marcel Lebeuf chaque jour. Et puis, il y a toujours un petit commentaire, un titre à la photo qui est bien rigolo. Une phrase drôle, là. Oui, et puis, bon, c'était pendant les vacances de Noël. J'ai pris l'avion. Et qui? Ben là... Hein? Gros scoop, là. Jim Belushi. Qui n'était pas assis derrière nous Bill dans l'avion? Bill Gates. Non, Mathieu, mais tu non. chauffes. Cuba Gooding Jr. Non plus. Non. Non, c'était Marcel Lebeuf. Ah ben, j'aurais pu vraiment deviner tous les autres artistes. Mais oui, mais c'est avant de comprendre que c'était lui. Fait ouais. que s'il nous écoute, je le salue. Il a l'air très sympathique. Il était très, très jasant avec des gens qu'il connaissait pas. Est-ce que tu as fait la petite pause photo de la page Facebook, la même pause? Ah, j'aurais tellement aimé ça, ouais. Mathieu. Je pense que j'aurais pu mourir heureux. Avec un avion, on sait pas, ça aurait pu arriver. Oui, c'est ça, il y a plein de choses qui pourraient arriver, puis c'est ça. Oh, là, c'est downer pas mal, là, tu l'as dit. Oui, c'est ça, il y a d'autres affaires qui pompent sur Facebook, on dirait. Ouais. Quelle journée. Ah, que c'est de concentrer. En tout cas, c'est ça, belle anecdote, hein, Mathieu. Oui, ben bravo. J'ai pas parlé. Marcel qui prend l'avion. J'ai gêné de dire bonjour. Ouais, mais t'aurais dû. T'as dû y montrer que t'avais ton petit sapineau dans le cou. Ben oui, mon petit collier. Ouais. Ouais. Mais c'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit, c'est payant finalement. Parce qu'il pouvait se payer un voyage. Ben, il était beaucoup, là. Il était une quinzaine. Okay, là, parce de personnes. Que c'est ça, puis t'étais aussi en voyage. Oui, c'est ça. Mais nous, on était en famille tout petit, là. Mais lui, il prenait tout le reste de l'avion. Ah ouais, il y a ses producteurs, tout ça. Dans quoi qu'il joue, là? Marcel Lebeuf, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ça, on sait pas, là. Non, je sais pas. Y a-t-il des projets en cours? Il a fallu demander, il a fallu faire l'entrevue de fond. Oui, c'est ça. Pour assemblage de pour nos auditeurs, Marcel. Bon, donc assez parlé de Marcel Lebeuf. Revenons sur Terre. Revenons à nos moutons. L'avion, ouais, c'est ça. Le bœuf et le mouton et le reste des animaux de la ferme, finalement. On était rendu au position numéro 9. Du côté anglophone, c'est Rich Aquin et Four More Years qui descendent de deux places. Et moi, je suis tout à fait déconcentré. Qui descend d'une place, 9e francophone, c'est Medora avec Sillage. Et juste après. Sillage, je me souviens jamais. Je n'ai pas les gens. Après ça, ça va être un instant classique. Première partie de deux. Ah. Vol embarquement immédiat pour un instant classique. Première avec de deux. Marshall LeBell. Oui. Rich Rockway des Four More Years monte de deux places en 9e position anglophone. Et avant ça, c'était Médora avec Sillage qui monte de une troisième semaine de présence. N'est-ce pas, Jean-Philippe Charbonneau? En effet. Bonne soirée. Hey, bonsoir. Je suis en train de te dire ça. Ouais. Ouais. La porte. Bonne soirée, mesdames, messieurs. Je crois que je suis arrivé en même temps que tu ouvrais la lumière. Ouais, ça, tu as descendu les escaliers, puis tout ça. Puis il y avait le band qui jouait en arrière, puis tout ça. Hey, j'ai déboulé. Ah oui, comme chose. Ça nous amène au meilleur moment d'assemblage requis. C'est meilleur que ce qu'on vient de faire là comme intervention. Donc, on retourne au début du mois de décembre. On a deux blocs. Un avec les semaines du 1er et du 8 décembre ensemble. Ça va être là. Puis plus tard, la semaine du 15 décembre parce qu'il y avait trop de stock dedans. Superbe. Génial. Donc, commençons avec le premier bloc d'un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour les semaines du 1er et du 8 décembre 2014. Un groupe qui porte bien son nom parce que tout le temps, il y a tout le temps une saison qui est en cours. Il y a tout le temps une saison. OK. Donc c'est The Seasons, oh. The Way It Goes. C'est tout le temps approprié, ça. 4 saisons. Oui, oui, oui. C'est comme TQS. Tout le temps approprié. Steph, on a un petit creux ici, pas pour manger. Oh. Mais un petit creux en attente d'Alexandra Carignan. T'es plate, j'avais faim pour moi. On a enfin accueilli en studio nul autre qu'un gars qui a la bouche tout le temps grande ouverte, prêt à parler. Est-ce qu'on peut entendre les sons? Pourquoi tu montes le son là? Je sais pas, c'est le micro magique, c'est pas de ma faute. Il agit par sa propre volonté. C'est micro magique. C'est vrai, il est magique. Ouais. C'est David Ferron et les notes salées. Hey! Salé, les plats congelés, il y a ben trop salé, sel là-dedans. Il y a aussi des agents de conservation. C'est pas super bon. Salé, tu devrais te faire à manger à la place. Meilleur aussi. My nuts. C'est les notes salées. Moi, c'est le beat cette fois-ci que les autres fois, on dirait, je trouve. C'était pas bien. C'est du slam. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 2 novembre 2002, décembre 2014, 2000 décembre, le mois est long. Alors, on a-tu passé tout droit de Noël? 2000 décembre. Alors, les tipsters, sauf que des fois, on aime manger la même bouffe que toute la populace. Tous les petits moutons là, du monde vont manger les mêmes affaires que nous autres. Des graines? On mange pas des graines, des moutons? Du mouton de grains, là. Parle pour toi. Fais pas de graines? Non, ça va. Hier, à la lutte, il y avait un sketch sur des cochons. Il y avait un cochon joué par Vanessa Fortier, qui était vraiment très drôle en passant. Et il y avait un dompteur de cochons. S'il se faisait mettre en prison, est-ce qu'on pourrait libérer ce cochon? Libérer ce cochon! Ouais! J'aurais pas pu mieux dire. Non, t'aurais pas pu mieux dire. Comme la co-animatrice de l'émission qui nous précède, Assemblage Prérequis, t'es souvent d'accord avec elle, hein? Oui, je trouve que cette fille-là a bien du bon sens. Puis en général, on a les mêmes besoins, on a les mêmes valeurs. Moi, je trouve ça le fun. La même fréquence de vocal, mettons? Fréquence de vocal, on appelle? Ah oui, j'avais pas remarqué. Même timbre sonore de voix. OK. À 9h, tu vas nous faire sa plus simple expression. Bien sûr. Sur les expressions les plus simples, hein? Ouais, les descriptifs des chroniques sont à retravailler. Home run, assemblage requis. Snap. Hey, là, snap. Snap. C'est un bruit de baseball, ça. Cling clang. Zoom battle wow, pif pif. Un vrai sportif. C'est drôle, tantôt, c'était Sébastien Abigartin qui me disait que la chanson thème de l'émission lui rappelle un petit enfant joufflu qui joue avec ses big wheels, je pense. Moi, en tout cas, c'est pas vraiment l'image que ça me donne. On va juste la réécouter juste pour voir. De la bass et du drum en même temps qui fait ça, je pense. Wow. Aussi. C'est un gars productif. En ce mardi matin, hein, je l'étudie ce mardi matin? Oui, mardi. 9 décembre 2014. Matin, c'est important, matin. Du 9 décembre. Oui. En 2014, l'heure du Seigneur 2014. Ponce Pilate, c'est C'était pas un grand duo humoristique à l'époque, là. C'est comme Laurel et Hardy, sauf que c'était Ponce Pilate. Puis l'autre, là. Comme moi et l'autre, là, c'était Dominique Michel puis Denise Filiatro. Non. Aujourd'hui, l'émission, Steph, on a plein de choses, plein de choses, comme toujours, mais c'est surtout, comme je te dirais, en fait, principalement et seulement et aucune autre personne que nous autres. C'est juste nous autres. Oh, toi et moi. 100%. Ça va te chicaner cette CFN émission, probablement. Mais malbouffe achetée et malbouffe faite soi-même. À chier. À chier. Pas acheté, à chier. C'est pas drôle, c'est même pas drôle. Non. Je suis une fille, je suis capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est ça. Regarde, t'es tombé facilement insultable ce matin. Ben non, mais c'est parce que peut-être que tu faisais pas exprès de m'insulter. Je t'ai pas insulté. OK. Je me suis valorisé. D'accord. Ah, c'est ça. Tu te remontes en rabaissant les autres. Mais non, j'ai pas dit que t'étais. C'est pas moi. Tu parlais pas de moi. Tu parlais des hommes en général. Ben non, c'est mais ça. J'en suis un. Ah, c'est vrai, t'as raison. Vu de maintenant, t'as raison. On s'amuse, là. T'sais, moi, on se chicane pas pour vrai. Ben non, c'est tout de acting. Ouais, c'est ça qu'on est vraiment en bas. On est pas pire, hein? On s'en va sur le conservatoire de théâtre. Oh. Non! Je compte studier, là, j'aime pas ça! Et ensuite, ce sera MasterChef où une malbouffe sera cuisinée à la main avec amour et haine un peu des fois, quand tu penses à moi, non? Haine? Non. Dégoût? Non plus. Ok, ben au moins, ça s'améliore. Non, mais je pense pas à toi à cuisiner. Ah, c'est ça. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis devant moi. Mathieu Plante est derrière moi. Ah, attends un peu. ça marche pas, là. Eh boy, donne-moi pas des idées, là. Des idées de grinder. pour le steak haché, pour faire du steak haché. Des idées de grinder. Tu l'as déjà fait, ça, là? Non. Ben, je le trouve très drôle. Faut pas se casser la tête, là. Manger des sucreries, ça devrait pas être synonyme de dépression nerveuse. Ben non. Fait que je me suis pas fait suer plus que 5 secondes. J'ai vu, ça marche pas. Fuck off, ça sera pas des boules de popcorn. C'est en plein ça que je me suis dit. La catchphrase 2014. Ça va goûter la même chose, c'est juste que ça sera pas des boules. Oui. C'est pas grave, hein? T'en as assez de boules, même. Ouais, c'est ça, c'est en masse. Tu sais. Bon, puis c'est pas à moi de te fournir des boules. Non. C'est ça. Je m'en passe. Fait que... Touche les tiens. Je suis sorti par derrière de mon bloc appartement qui est aussi un bloc normal. Oui, parce que tu préfères de derrière, tu l'as déjà dit. Je préfère de derrière, exactement. J'ai croisé, évidemment, comme on croise tout le temps dans le derrière avec quelqu'un. La merde. C'est non, du tout. Le déblayeur en chef. OK. Voilà. Je le vois, je fais bonjour. Ah, là, je fais comme j'arrête. Là, j'avais la louche. Fait que je dis, ouais, je vais aller en avant, finalement. Puis là, ben, ça a fonctionné en avant. C'était mieux par en avant. C'était plus plaisant en avant. Ah, ça allait plus vite. C'était plus facile d'accès. Ah, d'accord. On n'a pas oublié de morceau dans notre grand jeu qu'est Assemblage requis. De puzzle. Ouais, c'est ça. Si on avait à être un petit bonhomme, un petit quelque chose, qu'est-ce qu'on serait? J'imagine que tu serais un fer à repasser parce que tu es en train de repasser, c'est ce que je dis. Maman, au Monopoly. Maman. Je pense que je prends le fer à repasser. Comment? Quand je joue Monopoly. Tu prends le fer à repasser? Je sais pas. Parce que t'aimes repasser, c'est ce que je dis. Non, mais il y a le chapeau qui est cool. Moi, j'aime bien le chapeau. Ça peut être le chien aussi, parce que c'est chien des fois. Dans le bon sens. C'est quoi dans le bon sens? Stéphanie Paradis est là. Mathieu Plante, toujours là aussi. Ooh. Sinon, je serais pas là non plus. Non, c'est ça. C'est un petit peu dépendante affective de moi, là. Non, pas affective, juste technologiquement. Non, parce que c'est ça, tu m'haïs. Non, pas. Ben là, j'ai pas dit ça. Je m'excuse, il y a quand même un juste milieu entre dépendance affective et détester quelqu'un. Pas au courant. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour les semaines du 1er et du 8 décembre 2014 avec un mois de délai. D'habitude, c'est une semaine, mais c'est un mois de délai. Pas mal. Mais il nous reste encore une autre portion. C'est la semaine du 15 décembre qu'on n'a pas encore entendu. On va l'entendre d'ici la fin de cette deuxième heure des Palmarès C'est fou. Et vous pouvez écouter Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 avec Stéphanie Paradis et moi-même. C'est tout. Voilà, l'information est dite. On est rendu au 8e place en anglophone, c'est The Bar Brothers avec Even the Darkness Has Arms. Ça descend de 6 places. Et ça descend d'une place, c'est Lubic avec Laisse-toi aller. Ah, OK, ben allons-y. Écoute, on s'en va. Ben oui. C'est des Palmarès C'est fou, 89.5. We'll be right back. I was holding my breath when the tightrope walker slipped into the moon glow, saying all my children follow me. Maybe it's time to go. You can be chrome when you're wise, you can be wise when you're blue. Maybe if I had, then I had for you. Bribing the jury to keep me in jail, singing tea for the tiller man. And although I lie fantastically, I swore an oath in my history. It's a miracle I can see. You can be wrong when you're right, even when you're right on cue. And if I die tonight, then I die for you. Call him a Moses, call me son, great-grandson or grandson, great uncles, aunts and relatives, to judge what I have done. Gonna make it right by you, even if it's all I do. And if it's all I do, then I do for you. People will raise a whole lot of hell about the water in the windmill. And although I step chaotically, it hurts no one but me. Even the darkness has arms, but they ain't got you. Maybe I have it, and I have you too. And I light in the window to pass the night through. Maybe so uncertain, what can I do? Keeping it on, keeping it on. And I know I like it, but what's that proof? Sometimes I worry, I don't know how to love. Bar Brothers, Even the Darkness Has Arms, ça descend de 6 places en 8e position anglophone. Et 8e place francophone, ça descend d'une place, c'est Lubic avec Laisse-toi aller. Eh ben ouais, ben on se laisse aller, c'est ce qu'on fait. On se range jusqu'au numéro 1, bien sûr, dans 1h20 environ. Il reste encore une deuxième partie d'un instant classique. Dit-il en se dandonnant. Ben, c'est sûr que j'ai un bedon, fait que je me darbedonne. On va aussi sûrement aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est vrai. Ça va être dans la 3e heure. Pour l'instant, c'est des positions numéro 7 en anglophone. On retrouve The New Pornographers et Dancehall Domini qui montent d'une place. Et qui montent de beaucoup. Ça passe de la 19e à la 7e. C'est Dumas avec Vaudou. Vous pouvez me rester fou, qui, pour ceux que personne n'a suivi, quand je dis dans une heure, ça veut dire que oui, on termine à 18h les mercredis dorénavant. Ah! Au lieu de 17h. Vous êtes mêlés, hein? Ouais. Là, vous vous êtes demandé comment on allait faire pour faire 14 tunes en 20 minutes. J'avoue que ça aurait été vraiment difficile pour nous autres. Mais c'est, on est fort. Extrait. On est très bon. Ouais, c'est ça, des bouts. Des bon, bouts de tunes. C'est ça. C'est pas mal assez fou. Des bouts de tunes. Des bouts de tunes. Comme la musique plus. Là, oui! Attends, on va aller en pub. Au retour, vous entendrez. Ça, j'ai mis mon cœur dans une tête d'oreiller. Moi, pensez-vous en moi, pensez-vous en deux. Je sens venir le changement. fin. The New Pornographers et Dance All Domini, position numéro 7, ça monte de une place en anglophone. Et ça fait un bond de 12 places du mois avec Voodoo. Ah, ben oui, Voodoo, Voodoo, Voodoo. Avant de passer aux prochaines pièces, en fait, je pense que. Je me demande si on. Est-ce qu'on le met tout de suite un autre instant classique? Parce que si on met ça là, on jouera pas les 7 pièces 6, c'est un peu plate. On va jouer les 7 puis on va mettre ça dans la troisième heure. En fait, on va jouer les 6. Les 6, on vient de jouer le 7. On est-tu rendu là? Ben oui. T'as raison! OK. Donc, on va jouer ça tout de suite. OK. Donc, du côté anglophone, ça va être du côté. Non, c'est ça. On est, attends, six. Excuse-moi. On est à 6. On est rendu à 6. Ben, fuck les 6. On passe à un autre test classique. OK. Hey, change d'idée comme change de chandail. Wow. C'est vrai que tu changes de chandail vraiment rapidement. Aujourd'hui, tu parlais de Mario. un instant classique pour la semaine du 15 décembre. On écoute ça, là. OK, c'est bon. Ouais, on écoute ça. Moi, si tu changes une affaire de place, puis je suis tout complètement déprogrammé. Mmh. Mais voici les moments classiques de Semblage Requis pour la semaine du 15 décembre 2014. Sans m'en rendre compte, j'ai acheté deux films du même acteur, mais des classiques, Capitaine Crochet et Jumanji. Donc, Robin Williams. Brian Adams. Le fameux Brian Adams. Il nous reste, comme je disais, 4 émissions avant la fin. La fin? Ah, Des temps. Ouais. Tout le monde le sait que la fin des temps, c'est 2014. Selon je crois, ouais. Les maillettes du dîner de con, je pense. C'est ça. C'est selon la philosophie du dîner de con. Le chien de Duck Hunt est dans le nouveau Super Smash Bros. C'est vrai. Ils sont tous dans le nouveau Super Smash Bros. En fait, je pense. Ils ont comme 75 000 personnages là-dedans. Ça caractère. Caractère, c'est ça, Guerra et Italique. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Comic Sans fait comme salut. David Ferron, qui est là pour sa chronique Les Notes Salées, et ça demande un petit peu de. Comment dire. Attention à Noël, des fois la dinde. Mais elle goûte moins à mettre trop de sel dans sa sauce. Fais attention. Dis d'en mettre moins. C'est mieux de le rajouter à la table. C'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Oui! Et oui, puis il y en a de tous les genres, folk, électro, rock, bref, des chansons. C'est quoi ce style-là, bref? Bref, ouais. C'est des tunes très courtes. Je vous donne un exemple. La la. Oh wow. C'est le nouveau single de Mary Melon. C'était bref, c'était effectivement très bref. C'était court et c'était juste assez. Et oui, c'est ça. Ça s'appelle « Comment se déconstruire pour mieux se rebâtir après une relation dure ». Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Rookie. Chanson Ryu sera avec nous pour la chronique du clip plein avec Pierre et on mangera quelque chose qui, espérons-le, un bon guillou dans une grosse pointe en dresse. Ah, mes gags sont plus drôles quand je suis à peine réveillé. Hey, je te dis que c'est une heure et demie qu'il faudrait pas qu'on manque. Hein? Manquez ça. Hey. Non, ouais, wow, manquez ça. Pas wow. Hey, vous autres, manquez ça, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est ça. C'était pas l'impératif. Pas très clair, mon affaire. C'est à l'infinitif. Ouais. Et plus loin encore. On joue la chanson thème d'une chronique ou d'une émission dans l'univers Mathieu Plante, que ce soit moi, toi ou les autres. Mathieu Plante, ça c'est moi. Oui, mais t'as dit Mathieu Plante, que ce soit moi, toi ou les autres, ça implique que plus qu'un Mathieu Plante. On est tous Mathieu Plante, un peu quelque part en dedans de nous. Ah, chacun un bout de Mathieu Plante, il y en a assez pour tout le monde en passant dans mon pantalon. Donc, on transitionne. C'est tout un morceau de ça. C'est un méchant steak, c'est ça. Un saucisson. Un classique à 10$. Deux sous-marins. Je vais vous sortir un indice sur la table. Une bouteille. Remets tes culottes. C'est des couteaux qui sont faits en France, en Savoie, puis c'est le couteau classique avec le manche en bois. Tu fais griller des guimauves. Ouais, faire des bâtons, enlever ça, enlever l'écorce. Si tu veux, planter un pieu dans un ours. Ouais, si ou éplucher une orange, tu es un vampire. Ça peut faire vraiment plein d'affaires. Tu es un vampire, quoi. Tu es une orange, éplucher un vampire. Rarement des magasins de plein air. Je pense. Ah, je peux pas faire ça, gag, là. Non, t'as commencé. Ok, mais je l'ai averti à l'avance que c'est pas un gag de classe, et puis c'est un gag que je retire après, puis que j'endosse pas les propos. Mais c'est que non, chez Atmosphère, ils vendent pas de discours, mais ils en vendent juste à côté chez Phalasmosphère, où c'est des grosses femmes pour ceux qui ont le pantalasmosphère. Oh mon Dieu! Quand vos émissions sont en rediffusion, est-ce que vous coupez des bouts des fois? Non, mais je prends les meilleurs bouts, puis pendant que tu parles, je note l'heure à laquelle le gag a été fait. Pour être sûr de le repasser plusieurs fois. Mathieu Plante en revête. Non, c'est un running gag de la huître. Commencer les ils veulent que tout le monde ils veulent que tu te mettes en bobette. Non, tout le monde veut que tu te mettes en bobette. C'est ça. C'est la chanson. Mathieu Plante en bobette. Pourquoi ils veulent ça? Je sais pas. Ils sont spéciaux, ouais. C'est des improvisateurs. Mais c'est bien que tu m'avertisses, comme ça, j'irai pas. J'irai pas à l'huître. Sûr de pas être là. Shipping accéléré sur Amazon, puis vous l'avez dit à la fin de la semaine. C'est... Oui, l'année passée, j'ai commandé quelque chose, je pense, le 22. Et le 24 au matin, je l'avais. Hein, donc, est-ce que je suis menteur? Pas là-dessus. En fait. Mais j'ai pas dit que t'étais menteur. Je suis en train de t'approuver. Exactement. Fait que je cherche pas le trou. D'ailleurs. Donc, l'émission commence à l'instant. Ça manque de dépenses dans la vie. Il faut en rajouter encore plus. Exactement. Et après ça, on fera Master Steph. Parce que là, il faut bien remplir le ventre aussi. Hein. Vider le portefeuille, remplir le ventre. C'est le temps des fêtes. Rien ne se perd, rien ne se crée. Rien ne se perd sauf l'argent, rien ne se crée sauf du gras. Hey, c'est pas la dernière avant les vacances? Ah ouais? J'ai entendu dire ça, on va s'abocher. Du professionnalisme imparfait. C'est juste d'être le plus professionnel possible, tu sais. Mais quand quelque chose marche pas, on recommence, on le fait une prise 2, tu sais. C'est ça la beauté de la radio, on peut reprendre ça. Ça me dit quelque chose? Ouais. C'est pas en direct. Pas en direct. On peut juste, tiens, on pourrait recommencer si on voulait. C'est déjà... Ben oui, puis tu pourrais dire pénis constamment, puis juste l'enlever au montage après. Ce que vous savez pas, c'est que je le dis tout le temps à l'émission. C'est qu'on l'enlève. En fait, c'est le contraire. On fait un montage et on l'insère en subliminal. On insère, ouais. On insère des. Dans le. Oh, on est gâtés. Ça fait deux fois cette semaine. Ah, il y a tes souhaits. T'es peut-être allergique à ta mousse de micro. Ben, on dirait, parce que j'ai jamais éternué, probablement, de ma carrière. Cette semaine, je l'ai fait deux fois. T'sais. Quelque chose qui marche pas. Mon Dieu, c'est catastrophe. T'en as envie, là. Oui, j'ai envie. Tu participes à la prochaine? J'ai vraiment envie d'être là avec toi. Génial. Alors, on se prend une autre. Non, merci, Caroline. On dirait que j'ai même pas réagi. Si j'avais pas réagi, ça arrivait à bizarre. Oh, t'as l'air insensible. Non, non, hey, salut. Ouais, mais là, il se pogne les pins, fait que. Ah! Il sent, là, je pense. You feel the love. T'es assez haute. Ben, en tout cas. Ah, où, ça? Mais il fait pas si froid que ça, là. Oh, Lynn. OK, ça go. Ça passe des choses en studio. Ça passe des choses à mon sens. En 4 ans, je n'ai jamais fait de bain de neige. Toujours réussi à Hein? Non, je l'ai fait, moi, une fois. Ah, ouais. Ah, c'est. Moi, j'ai pogné l'année où il y avait une petite croûte de neige, tu sais, comme quand tu mets ton pâté chinois au four. Ah, ouais, ouais, mais ouais. Mais c'était une petite croûte, là, tu sais. C'était gratiné, la neige. Ouais, c'est ça nous a toutes gratiné les bras. Gratiné. Gratiné les bras. Hey, c'est drôle, ça. Oh. Je l'aime tellement. Qu'on lève notre verre à ça. Tu l'as pas levé, tu l'as pété. Ouais, j'avais rien d'autre. Non, non, par en haut. Oui. Bah. Jingle bells, ah, continue. Okay. Jingle bells, jingle all the way. Bravo, bravo. Oh mon Dieu. Je m'applaudis moi-même. Allez, on met ça sur notre compilation. Bravo, bravo. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 15 décembre 2014. Encore une fois, avec un bon 3 semaines de délai, mais quand même, on s'est rendu. À partir de la semaine prochaine, on va revenir en 2015, finalement, avec les meilleurs moments de la semaine qui précède la diffusion du mercredi des Palmarès, c'est fou. Voilà. On retombe à la normale, finalement. Ben voilà, parce qu'on avait sauté ces semaines-là à cause des compilations de fin d'année. C'était fou en 2014. Écoutez, assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30, ici même sur les ondes du bon vieux gros fou. Le gros fou. Le gros fou. On appelle le gars de FM. Hein? Le gros fou, toi. C'est ça. C'est ça. Ça ressemble à ça. Ça va être la fin de cette portion d'émission, notre deuxième heure. On se retrouve dans quelques minutes avec le top 5. Et, qu'est-ce qu'on a sauté? T'as raison. En anglophone, on saute Lisa Leblanc et Gold Diggin' Hoedown qui montent d'une place. Et en francophone, les Marilyn avec les Marilyn sous la lune. Et on va savoir dans la troisième heure si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone de Seasons in the Way It Goes. Et en francophone, si c'est encore Kepler avec Scaphandre. Et restez avec nous pour le savoir. Dans la zone 89.1. C'est la troisième heure, la portion top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 5 au 11 janvier 2015. Il est Jean-Philippe Charbonneau, toi. Il est Mathieu Plante, toi. Arrête-moi ça. Oui, c'est vrai. Des affaires de même, là, c'est inacceptable. C'est ça qui est marqué sur ton petit collant, marqué « Hello, my name is Mathieu Plante ». On va donc entrer dans le top 5 des Palmarès C'est fou. Je dois vous annoncer dès le départ que le numéro 1 anglophone de la semaine passée, en fait, du début du mois de décembre, parce qu'on n'a pas eu de Palmarès depuis le début du mois de décembre, The Seasons est rendu en 5e place avec The Way It Goes. Bon. Hey, méchant punch, hein? Ça commence par ça, imagine. Ça. Mais bon. Que voulez-vous? Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 en anglophone. Ben, restez là pour le savoir. Oui, dans moins d'une heure. Oui. Et côté francophone, c'est Fanny Bloom avec... attends, j'ai un blanc. Bon. Oh. Hey, ça c'est un gag hivernal comme blanc, comme neige. Hein? Ouais, c'est la chanson blanc de Fanny Bloom en 5e position franco. Au palmarès, c'est fou. Ça s'annonce comme une belle heure, ça? Je sais pas. Une heure que les gens ne sont pas habitués d'entendre. Le mercredi, on finissait à 17h. À l'automne, là, on finit à 18h. Oui, c'est intéressant. C'est le fun. C'est un nouveau concept qu'on essaie. Oui, comme avant. Si tu veux reprendre le fil de nos... parce que j'ai peur pour toi. Tu as encore peur de moi. Pourtant j'ai tout repeint en blanc et j'ai ouvert la fenêtre. Je t'attends. Je suis fatiguée. Toutes les filles en veulent pour toi. Tu es toute la musique rien qu'à toi. Peut-être qu'à toi ce salaud tuera. Mais vu que je t'aime encore, il faudrait que tu m'aimes un peu plus fort. J'ai beaucoup donné et je ne veux rien reprendre. Si on se rencontre au milieu, on se réquitte des comptes à rendre. Alors je te tendrai la main que tu prendras dans la tienne. Je t'attends. Je suis of my own. I'm not meaning to Way It Goes par The Seasons, l'ancien numéro 1, maintenant en 5e place anglophone. L'ancien numéro 2, Mathieu, côté francophone, c'était Fanny Bloom avec Blanc. Ouais, donc il faut que je complète la phrase. C'est comme à Tombe Crochu, il faut que tu finisses la phrase finalement. Donc c'est Fanny Bloom avec Blanc, qui okay, ben je dirais Patate. Oui. C'est ça le nom de la pièce finalement. Oui, c'est ça exactement. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est la réponse la plus populaire? Hey, le sondage donne, je pense qu'on mélange les quiz. Ben, position numéro 4 en anglophone, c'est The Pack 80 avec Cellophane. J'en suis un cellophane de cette pièce. Elle monte de 4 places, ouais, non. Un fan de violoncelle? Cello. Oh, violon cellophane. Oui. J'aime ça. Je pensais que c'était un jeu de mots de, non, mais d'excréments. Genre. C'est arrivé comme ça, Mathieu, en plus. C'est un fan de sel. J'aime ça, les jokes de pets. Scatophilie. Oui. Ouais, quand je sale mon plat, je mets toujours ma salière bien haut. Fait que je suis un cellophane. T'es cellophane. Wow. Oh là là. C'est excellent, là là. Ça. Donc, côté francophone, c'est stable. 4e position. Machine géante avec l'effet veuve noire. Eh boy. Eh boy. Faut qu'on se repose. Ouais, puis on a déjà une mot à faire pour les numéros 1 tantôt, fait oui, qu'on va se préparer mentalement. J'aime préparer. C'est ça. T'essaieras de me battre. Le défi est lancé. Ça n'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Je cherche l'amour de Pagani et Cellophane pour son numéro 4, anglophone, ça monte de deux places. Et côté francophone, on a écouté Machine Géante avec l'effet veuve noire, c'est stable. Avant de passer aux troisième place, Kepler et Century Palm, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès! Oh! Wow! C'est ailleurs dans les palmarès, la section où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, n'est-ce pas, Jean-Philippe? En effet, c'est également un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Oui, commençons par les trois nouvelles entrées dans le top 30 des albums. En effet, Mathieu, on en a trois, donc je vais y aller en ordre. Donc, en 30e position, on a Brave Shores. Donc, c'est l'album et puis l'artiste, c'est le même nom. On a Talk is Hard de, oui, c'est ça, de Walk the Moon. Et on a Sea of Champions de Brother Octopus. Oh, génial! Dans le top 3, en 3e place, ça monte de une Century Palm et leur album homonyme. En 2e, ça monte de une Death from Above 1979 avec The Physical World. Et en première place, 32e semaine de présence. Incroyable! Pour Going to Hell, l'album de The Pretty Reckless. Donc ça, c'était pour le top 30 des albums. On va y aller maintenant avec le top 3 des disques canadiens, Mathieu. En troisième position, c'était l'ancien numéro 1, c'est l'album Pulp de The Season. En deuxième position, c'était l'ancien numéro 4, donc c'est Century Palm, Century Palm. Et notre numéro 1 qui passe de 3 à 1, c'est The Physical World, The Death from Above 1979. Dans le top 10 loud, on retrouve trois nouvelles entrées. Par contre, il y en a une qui est dans le top 3, donc je vais te laisser la dire. Laisse-moi là. Donc en huitième place, on trouve Idol of Fear avec l'album All Sides Fixed Blaze. En septième place, c'est Devin Townsend avec son nouvel album Ziltoid 2. Et puis, donc c'est ça, stable en top 3, Mathieu. Ah, voyons. En numéro 3, stable, c'est l'artiste Blood God avec l'album Blood is My Trademark. On a notre ancien numéro 1, c'est No Obliviscaris, c'est ça, hein? Oui. Oui, avec Citadel. Et puis notre numéro 1, qui est nouvelle entrée, ça, c'est... ben c'est ça, ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas fait un top 10. Donc c'est UDO, j'imagine que ça se prononce comme ça, UDO. Et c'est l'album Décadent. Oh oui. Comme, oh, comme les petits biscuits. Les biscuits décadents. Oui. Oui. Puis UDO, comme non, t'as besoin de mettre du déo. C'est ton bras. UDO. UDO, toi là. Dans le top 5 musique du monde, on a deux nouvelles entrées, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, donc première nouvelle entrée, c'est Amaika avec la titre O Pacha. Et puis on a aussi Bella Fleck avec c'est ça. C'est pas confond. La sœur de Bella Fleck. Oui, c'est ça. Donc, c'est Bella Fleck et Abal Washburn. Abigail, pardon, Washburn. Et puis, c'est What You Gonna Do, le titre. What You Gonna Do? Bella Fleck. Mais là, j'avais tellement préparé le gag là, quand je l'ai lu pour la première fois. Je trouvais ça très drôle. Oh oui, je vais celle-là, en effet. Position numéro 3, c'est sûrement elle qui va jouer Batgirl. C'est qui? C'est Bella Fleck qui va jouer Batman. Donc, Bella Fleck qui va jouer... Oui, ça va être Catwoman. Catwoman, voilà. Position numéro 3, c'est stable. En fait, le top 3 au complet est stable, donc je ne le dirai pas à chaque fois. En troisième, Hayat de l'artiste Kiran Alualia. En deuxième, c'est la pièce Fauchée de Ayrad. Et en première place, stable, c'est Mardi Gras featuring Jacobus par l'artiste Pierre Quender sur l'album Le Dernier Empereur Bantou. Pour compléter cette chronique, je vous ai choisi une pièce du top 10 loud et je suis allé directement au sommet parce que je voulais quelque chose de bon. T'sais. Pourquoi faire le tour, Mathieu? Pourquoi aller voir ce qui se passe dans le fond du palmarès quand tu peux aller directement au-dessus? T'sais, pourquoi est-ce que tu vas gosser après quelque chose d'inutile quand tu peux aller directement voir le DG, mettons? Ben, c'est ça. La place. Mettons. Appeler, mettons, 1-800, tu sais. De la compagnie, puis plein directement. C'est ça, puis raccrocher tout le temps. Et après ça, la personne va se demander, mais comment ça fait qu'il y a un numéro qui m'appelle tout le temps sans cesse, puis tu vas regarder sur Internet. Ah, c'est encore eux autres. Puis je me rends compte que je suis pas le seul qui se fait appeler tout seul. Tu te fais appeler tout seul. Tout le temps, là, par le même numéro. Ben oui, c'est de même des gens à gossant. Donc, le numéro 1 du top 10 loud, c'est ça qu'on s'en va entendre. L'artiste, c'est UDO. L'album est Decadent. Et voici, ben Colin, je suis pas allé chercher plus loin que la pièce titre, Decadent, tout de suite. Hein? La facilité, toi. Puis faites attention à vos oreilles, chat. Je pense que je suis mort. Ah non! C'était comme le beat de la mort. C'est des pas mal assez fous et on est ailleurs dans les pas mal. and be a slave to me. My home is my castle, yours the mine, and now the truth on me. We are the money, you are the debt, come give it all to me. C'était Yulio et Decadent, pièce de leur plus récent album, qui se retrouve l'album au complet en position numéro 1 du palmarès Top 10 Loud. C'est dans la section ailleurs, dans les palmarès. Vous pouvez écouter Rock Classique les vendredis après-midi entre 11h et 17h pour entendre plus de ce Top 10 Loud. Pas nécessairement le top en tant que tel, mais plusieurs de ces albums-là se retrouvent dans cette émission-là. Voilà. Vous pouvez écouter également Brancher le Monde. Oui, palmarès du monde. Palmarès. Brancher le monde. Dans l'intention était bonne. Dans quelle époque je vis? Tu vis dans le passé. Ça fait longtemps. C'est lundi à 18h. Pas mal du monde. Faut bien que je suis rouillé. Je m'excuse, David. Pas grave. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait de palmarès. Je pense que c'est complètement compréhensible. Donc voilà, on va retourner à nos palmarès. On était rendu au position numéro 3. Du côté anglophone, c'est Century Palm avec To The Ether qui monte d'une place et qui est là depuis 4 semaines. Mathieu. Oui. C'était notre ancien numéro 1. Oh! Il est rendu en troisième place. Kepler avec Scaphandre. Mais là! Restez les nôtres pour savoir qui sera le... Spoiler alert, on va vous dire le numéro 1 d'ici la fin. Eh oui. Si vous voulez pas le savoir, faut pas écouter le reste. Mais vous passez à côté de quelque chose. Ouais. Et vous voulez le savoir. Ouais. Le nouveau slogan du Zone Campus, vous voulez le savoir. Oui, c'est ça. Faites vos emplois si j'hallucine, si j'écris des noms à l'encre de Chine, partout sur les murs de mes pieds à ma tête, si je deviens fou, si je mets dans un Zone 89.1. Century Palm et leur extrait To The Ether qui est en troisième place. Ça monte de une en anglophone sur leur album qui s'appelle aussi Century Palm. Et notre ancien numéro 1 qui se retrouve en troisième place francophone, Kepler avec Scaphandre. On est dans la dernière portion de l'émission, la dernière petite demi-heure. Il nous reste une, je dirais, 25 N de minutes ensemble. En deuxième place anglophone, on retrouve Dead From Above 1979. On les a mentionnés tantôt dans le top 30 des albums. Ils sont aussi dans le top 3 des disques canadiens en première place. Félicitations. Rien de moins. Leur pièce s'appelle Trainwreck 1979 et elle monte d'une place. Et côté francophone, Mathieu, ça monte également d'une place. Donc en deuxième position, c'est Le Couleur avec Concerto Rock. Au palmarès, c'est fou. 80 FM. Oui. That From Above 1979 et Trainwreck 1979, ça monte d'une place en deuxième position anglophone. Et également qui monte d'une place francophone, Le Couleur avec Concerto Rock, ou hey, comme je chantais si bien, Concerto Rock. Non, non, tu chantais pas mal moins bien que ça. Ça avait quasiment de l'allure, ça. J'essayais de me rattraper. Non, non, imite ce que tu faisais tantôt. Concerto. Non. T'as, comment je chantais? Concerto. Non, en tout cas, bref. Ça avait l'air bizarre. Ah, j'étais plein d'entrain. Puis j'ai dit, une chance que c'est meilleur que ça sur le disque. Oui, hein? Puis là, je t'ai insulté. Eh oui, mais c'est là, même. Je me suis donné, je me suis dit, ah. Ah, ah, on pine ceux qu'on aime. Hein? Ouais, c'est ce qu'ils disent. Eh oui, puis gars, je te pine pareil. Fait que je comprends. on est rendu au numéro 1, il faut faire des jeux de mots poches pour le numéro 1, JP. Oui. Que ça se passe, c'est de même que ça se passe. Peu importe la ville où vous habitez, peu importe le saint en quel honneur votre ville est nommée, que ce soit Sainte-Perpétue, Saint-Roch. Hein? Oui. Ou Saint-Raymond. Peu importe en quel, envers quel prénom masculin des années. C'est Raymond, tout le monde s'appelait Raymond des années quoi? Hein? Ben moi, je dis que ça fait au moins 70. Une cinquantaine d'années. Là. Ouais, c'est ça. 40-50 ans. Ouais, ouais, environ. Ceux qui étaient Peace and Love, qui écrivaient sur le bord de leur véhicule, et souvent leur véhicule de hippie, c'était quoi? Des Westphalia. Des Westphalia, des caravanes qu'on appelle dans ce temps-là. C'est de même, c'est pas une insulte, c'est pas, y a rien de chien là-dedans. Non. Puis aucun racisme, rien de noir ou de blanc là-dedans. Chien noir, rien de... Ouais, je sais pas. C'est un peu n'importe quoi. On dirait que... Je suis un petit peu rouillé. On dirait que comme un journal français, je sais plus trop vers qui je devrais faire mes blagues pour pas insulter personne. Oui, je comprends. Trop tôt pour faire ce genre de blagues-là. Non, celle-là, elle passait, je pense. Ça passait, donc je suis pas trop destructeur. Je suis pas trop un grand joli destructeur comme un Pretty Reckless. Reckless, ça détruit des affaires, ça. Ouais, puis si t'avais fait des choses destructrices, t'aurais pu... finir en enfer, going to hell, c'est ça que tu voulais dire? Oui. Et peut-être que je me ferais pardonner, donc je vivrais une certaine absolution. Je crois que ça veut dire, absolution. Oui, je crois que c'est, ouais, c'est ça. Je pense. Donc j'ai fait mes jeux de mots, explique-nous ça maintenant. Ben oui, écoute, très, très facilement, je pense qu'on t'a vu venir. Donc, OK. Qui passe de la sixième place à la première place côté francophone, c'est Caravane avec la pièce Saint-Raymond, tirée de l'album Chien Noir. Et puis côté anglophone, ça passe de la cinquième à la première position également. C'est The Pretty Reckless avec Absolution. C'est tiré de l'album Going to Hell. Ouh, on s'en va entendre les numéros 1 tout de suite. Puis après ça, on va revenir, puis on va se dire bye, puis tout ça. Puis on va peut-être avoir du temps pour une dernière pièce ou deux. Hein? Peut-être. On verra bien. On va voir. Chose à la fois. Faut pas être trop pressé. Quelqu'un nos affaires, envoyez ça c'est aux impôts, là, les calculateurs avec la calculatrice de temps. Chaque danger de Rome me ramène au début de nos histoires. Chaque gorgée de rhum me rappelle que c'est l'automne. J'ai plus envie de boire pour oublier qu'il faut recommencer. Je me fous des rockstars de fin de semaine, puisqu'ils pensent de moi. Trotter où je m'en ai de toi, je veux y croire. Première position des Palmarès Ifou pour la semaine du 5 au 11 janvier 2015. On vient d'entendre en anglophone The Pretty Reckless et Absolution qui montent de 4 places sur l'album Going to Hell. Et qui montent de 5 caravanes avec Saint-Raymond, c'est tiré de l'album Chien Noir. Ah, c'est déjà tout pour cette édition des Palmarès Ifou, Jean-Philippe Charbonneau. Exactement, Mathieu Plante. Ah. Et, c'est pas facile. Hey, essaye pas de continuer. on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans notre case horaire du mercredi, mais maintenant de 15h à 18h. Soyez-y. Après nous, c'est Audiomatique, émission de musique électronique. On repasse les vents. vendredi à 17h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges et Sky Punka. Et finalement, les dimanches à midi jusqu'à nouvel ordre. Restez là pour de la musique dans la sécheuse. C'est fou.ca pour la programmation complète. Oui, vous allez voir, ça va bouger dans les deux prochaines semaines. Oui, vraiment, particulièrement. Mais les craintes. Les débuts de session sont toujours un petit peu flous. Sinon, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Oui, n'est-ce pas? Merci, Jean-Philippe Charbonneau. Merci, Mathieu Plante. On se quitte avec une position qu'on a sautée précédemment. C'est la 6e position francophone. Oui, on va aller écouter les Marinelli avec Sous la Lune. C'était la 6e position, c'est monté de 2 places. Génial. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Vous êtes dans la zone 89.1.